pas qui se balance, ça et là, toujours sur la même danse. On avance, mais on court après quoi? On se perd, on s'espère, quelque part on s'égare. Un jour au-delà, on se retrouvera. In my de ta voix s'éloigner de moi.